En 1163, l'évêque Maurice de Sully pose la première pierre d'un projet grandiose, une cathédrale qui incarnera la foi et la puissance de Paris. Visionnaire et proche du pouvoir royal, il transforme l'ancienne église Saint-Étienne en un édifice totalement nouveau, en plein cœur de l'île de la Cité. Un style inédit voit le jour. Guidé par l'inspiration de la basilique de Saint-Denis, les bâtisseurs inventent un nouveau langage architectural. Voûtes audacieuses, arcs boutants, lumière filtrée par les vitraux. Ce sera l'art gothique, ou opus francigenum, qui marquera toute l'Europe. Une œuvre en constante évolution. Sous les évêques suivants, entre 1196 et 1223, le style évolue vers un gothique plus lumineux et raffiné. Nouvelles fenêtres, coursières, tours ajourées et une charpente entièrement repensée. Notre-Dame, c'est le génie des bâtisseurs du Moyen Âge, gravé dans la pierre et tendu vers le ciel.